seconde édition de Voilà Mania, les 17 et 18 juin, auprès du M d'Armentières. Le temps d'un week-end, les habitants de la métropole lilloise découvriront les richesses du patrimoine de la Côte d'Opale. Maquettes, photographies, aquarelles, village associatif maritime de construction navale, sans oublier les régates ou baptêmes proposés sur des embarcations traditionnelles, telles que des voiles aviron, yoles, flobards ou pirogues. Renseignements 03 20 44 04 60. Pour fêter les 50 ans d'existence du fougueux commissaire Sant'Antonio, la ville de Waterloo rend hommage à Frédéric Dard, l'un des écrivains les plus considérés de son temps. Trois expositions à visiter jusqu'au 24 juin à la bibliothèque municipale, dont La vie privée de Sant'Antonio, ou encore 25 originaux de couverture signés François Bouc, célèbre auteur lillois. Conférences, dédicaces, jeux et invités, Patrice Dard, Philippe Deluc et Thierry Fréret seront au rendez-vous. Information 03 20 75 85 86. Représentation culturelle du CSE de Waterloo du 14 juin jusqu'au 2 juillet inclus. Par exemple, de fibre en fil dans la galerie du CSE proposée par les élèves de l'atelier d'art plastique, mais aussi diverses représentations de danse classique, contemporaine ou moderne chaque week-end. Programmation complète, office de tourisme, rue Carnot, 03 20 75 85 86. Exposition Le cannabis sous l'œil des scientifiques, à voir actuellement jusqu'au 3 septembre au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq, avec diverses conférences sur les origines, les faits, la législation ou encore la prévention mise en place dans notre pays. Information 03 20 19 36 36 ou sur forumdesciences.fr. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Yeah.

Galaxy, that's perfect.

Petits amis, voici un disque longue durée tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de Pinocchio, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette. Elle fera tinter ses petites cloches comme ceci. as a kid he was shy.

Kia sur Galaxy. We'll be right back.